Chez Harmonie Mutuelle, le pouvoir du collectif, c'est de ne jamais vous laisser seul en cas d'accident de la vie. Comme avec Yacine. Depuis son accident de travail, on fait tout pour le soutenir. Ça, c'est son aide à domicile. Et ça, c'est parce qu'on gère la garde de son fils. C'est tout ça, le collectif. Découvrez les avantages de notre garantie accident de la vie sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Mutuelle soumise au code de la mutualité et distributeur des offres assurées par Mutex. Venez rencontrer nos conseillers dans votre agence. 4 place Léon Gontier à Amiens. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il est toujours très sage d'écouter les conseils des anciens. Pour les enfants, c'est une nécessité, surtout si cet ancien est un de nos plus grands poètes au XVe siècle, François Villon. Dans son poème « Belle leçon aux enfants perdus », Villon propose son exemple, une leçon tirée de son école. « Beaux enfants, vous perdrez la plus belle rose de vos chapeaux, mais clair, prêt prenant comme glu, se vous allez à mon pipeau ou à Rueil, gardez la peau. » Rueil et mon pipeau dans le poème de François Villon. Mais de quoi s'agit-il ? Ce sont des lieux où le pauvre Villon aurait été mêlé à de mauvaises affaires avec quelques compagnons dont au moins un a terminé sur la potence ? Peut-être pas. Oui, peut-être que mon pipeau et Rueil sont de l'argot. Oui, dans mon pipeau, il y a un peu pipé, trompé, dupé. Et dans Rueil, il y a un peu rué, car les enfants aiment ruer dans les brancards. Dans sa belle leçon aux enfants perdus, Villon se contente simplement d'avertir les beaux enfants qu'il est préférable d'éviter de faire des bêtises si on veut sauver sa peau. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, les âges de l'enfance. Des gamins de la Renaissance à l'invention de l'adolescence et de l'enfant meurtri à la protection de l'enfance, nous nous pencherons sur l'évolution du regard que les adultes portent sur leurs rejetons, leurs gosses, leurs mioches. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous parlons des marmots médiévaux. Avec vous, Didier Lette, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris. Université de Paris anciennement, donc c'était Diderot. La fusion Paris-Descartes et Paris-Diderot, voilà, qui désormais s'appelle l'Université de Paris. Vous êtes spécialiste de l'enfance, de la famille et du genre au Moyen-Âge. Votre thèse, c'est l'enfant des miracles. Oui. Pourquoi ce nom, miracle ? Alors l'enfant des miracles, c'est un titre qui a été choisi parce que la majorité de la documentation sur laquelle j'avais travaillé donc pour ma thèse, qui a été soutenue en 95 et l'ouvrage date de 1997, la majorité de la documentation était les récits de miracles. Voilà, hein, des récits hagiographiques qui avaient été utilisés par le passé beaucoup par les collègues historiens pour travailler sur l'histoire des maladies, l'histoire du culte, etc. Mais qui n'avaient jamais été utilisés avant pour travailler sur la famille et l'enfance. Voilà, d'où un peu la nouveauté à l'époque. Oui, parce que la question se pose dès qu'on étudie la famille, sur quelles sources s'appuyer ? Alors j'imagine qu'il y a énormément de sources à grappiller ici et là, mais dans les hagiographies, les vies de saints, on a une ligne où on trouve vraiment des enfants très présents ? Oui. Ça, c'était un peu une grande découverte, parce que la documentation qui était un peu connue avant, c'était surtout des sources normatives, on va dire, des traités de pédagogie, des traités de médecine, hein, et on en a pas mal pour l'époque médiévale. Et là, l'intérêt, c'était de chercher... Voilà, les sentiments pour les enfants, les relations parents-enfants, les relations frères-sœurs, etc., dans une documentation qui habituellement n'était pas faite pour ça, et surtout une mise en scène. Hein. Il y avait une mise en scène et donc des sources qui permettaient de voir effectivement peut-être sans approcher le réel, on va dire de manière un peu plus près, sans évidemment que ce soit la réalité. Mais au moins l'approcher et puis avec un regard qui est toujours intéressant quand il est légèrement décalé. Didier Lette, vous êtes l'auteur également d'un ouvrage intitulé Les enfants du Moyen-Âge, parce que ça tombe bien. C'est le sujet de notre émission, le cours de l'histoire. Eh bien, pour le moment, je vous propose d'aller à la rencontre, et vous le connaissez très bien, au moins par ses ouvrages, mais Philippe Ariès, qui est un auteur important dans l'historiographie, dans l'histoire de l'histoire. Il est l'auteur de L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, un ouvrage de 1960. Et Philippe Ariès parlait, en avril 1974, sur France Culture, des sociétés pré-industrielles, des sociétés très dures. Les sociétés pré-industrielles sont des sociétés dures, où on n'était pas très tendre et où on n'avait pas la sensibilité à fleur de peau. On y était dur parce qu'on y souffrait, on y mourait tôt, il y avait une grande inégalité devant la mort. L'enfant était le plus mal aimé de cette société. Il mourait encore plus facilement et plus vite que les autres. Et on l'aidait très facilement à mourir. L'infanticide n'était, enfin, plus ou moins toléré ou plus ou moins conscient, n'était jamais très très loin. Dans certaines régions, à la fin du Moyen-Âge, on n'était pas très loin de vendre des petites filles comme on vendait des esclaves. Bref, c'est une société qui n'a pas aimé l'enfant. En avril 1974, sur France Culture, Philippe Ariès, l'historien de l'enfance sous l'Ancien Régime, s'exprimait et donnait une image très sombre de la relation que les adultes pouvaient avoir avec les enfants. Didier Lette, nous sommes à un moment de l'historiographie. C'est un ouvrage qui datait des années 1960. Je pense que le regard des historiens, des historiennes a changé sur le rapport de l'adulte à l'enfant. Bien sûr, hein, ce témoignage de Philippe Ariès, c'est presque la provocation pour un médiéviste qui a travaillé, qui a passé 25 ans ou 30 ans de sa carrière à travailler sur l'enfance. Mais bon, évidemment, on doit rendre hommage à Philippe Ariès, pour nous, en tout cas, spécialistes du Moyen-Âge, parce que c'est vraiment le pionnier, comme vous l'avez dit, hein, en 1960, réédité en 1973, et à partir de la réédition en 1973, ça devient vraiment un best-seller, hein, ça devient vraiment un ouvrage que tout le monde s'approprie, que tout le monde lit, il est traduit en 1962, donc très tôt, il est traduit en anglais, etc. Et donc évidemment, c'est à la fois bénéfique, puisqu'il fait rentrer l'enfant dans l'histoire, mais d'un autre côté, pour nous, médiévistes, ça a été quand même un poids très lourd à porter, puisque, comme on vient de l'entendre, avant la modernité, avant pour lui de 17 et 18e siècle, on n'avait pas le sentiment de l'enfance, dit-il, écrit-il dans son livre, et on avait perdu la païdéia des anciens, c'est-à-dire on avait perdu le goût de l'éducation, hein, comme si finalement le Moyen-Âge, époque noire, etc., enfin on était encore dans cette considération historiographique, n'avait pas eu de sentiment pour les enfants. Et on a évidemment, à partir des premiers travaux des médiévistes, Pierre Richer, Daniel-Alexandre Bidon ou moi-même, on a essayé de montrer le contraire, c'est-à-dire on a essayé de montrer effectivement qu'il était assez facile, hein, de prouver les sentiments. Je crois que la grande critique qu'on peut faire à Philippe Ariès, c'est surtout d'avoir cherché le sentiment moderne de l'enfance. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'historien n'a pas à rétroprojeter ses propres considérations présentes sur l'histoire, mais il a effectivement cherché un sentiment de l'enfance qui est évidemment différent, et ce qu'il dit dans cette interview est intéressant. Évidemment, on est dans un contexte de très forte mortalité, mais c'est pas ça qui empêche d'aimer ses enfants, et évidemment, l'infanticide est une vue de l'esprit. Oui, bon, très bien, Didier Lette, vous l'avez dit dès le début de l'émission, au Moyen-Âge, les parents aimaient leurs enfants, ou globalement, on aimait les enfants, et ça, c'est déjà quelque chose à signifier. Mais il faut quand même définir ce qu'est l'enfance. C'est pas facile, l'enfance. Ça commence quand, l'enfance? C'est quand le bébé marche? Je dirais que c'est dans une société chrétienne, on va dire que l'enfance, il y a de l'enfant, ou il y a de l'être humain à partir du moment où il y a l'animation, hein, à partir du moment où Dieu infuse l'âme. On pourrait dire que tous les parents du Moyen-Âge font qu'une partie de l'enfant, ils font le corps, hein, mais il y a l'âme, et l'âme c'est Dieu. Et donc il y a infusion de l'âme. Alors bon, si on reprend, on va dire, les théories aristotéliciennes qui sont adoptées à partir du XIIIe siècle par l'Église et les théologiens, l'âme est infusée au bout de 40 jours chez le garçon et 90 jours ou 90 jours chez la fille. Donc évidemment, il y a un décalage là de genre assez intéressant. Et à partir du moment où l'âme est entrée dans le corps de l'enfant, eh bien on considère qu'il y a de l'enfant, hein, et voilà. Et évidemment, la naissance étant évidemment quelque chose de fondamental, hein. Mais le côté nourrisson est vraiment un moment identifié, j'imagine. Oui, tout à fait, hein, en particulier dans les traités de pédagogie, c'est vraiment un moment de soins intense, hein. On a bien conscience que je pense à une phrase d'un hagiographe, hein, un hagiographe qui écrit les miracles de Notre-Dame de Rocamadour et qui dit: toute femme arrivée au moment des couches a la mort à sa porte. Hein, bon, je trouve que c'est une très belle phrase parce qu'elle dit tout. Elle dit que voilà, l'accouchement, c'est aussi toujours un moment de mort. Mort de la mère éventuelle, parce que les morts en couche sont très fréquentes, mais aussi mort de l'enfant. Donc il faut imaginer une mortalité périnatale extrêmement forte à l'époque médiévale. Donc ça, c'est le début de l'enfance. Et puis on peut aller jusqu'à, on découpe souvent l'enfance en deux âges, en suivant les théologiens et les canonistes. L'infantia, hein, infans en latin, ce qui fari non potest, c'est-à-dire celui qui ne peut pas parler, qui n'a pas encore l'accès au logos, hein. Et donc là, c'est avant 7 ans, avant avant l'aitas discretionis, avant l'âge de raison, et puis la puericia, qui serait l'âge de entre 7 et 14. Et évidemment, on peut considérer que l'enfance se termine plus tôt et plus brutalement, sans doute, qu'à nos époques. Oui, c'est ça. On devient un adulte très vite. Plus vite. Et puis, oui. Évidemment, Didier Lett, nous parlons de l'enfance ou de l'enfant en général, mais il y a des différences majeures selon où l'on se trouve dans la société. Bien sûr, bien sûr. Là, tout le problème pour l'historien, c'est d'essayer effectivement de pouvoir faire autant de travaux sur le peuple que sur l'élite. Hein. On a toujours beaucoup plus de documentation sur les cultures, on va dire, les cultures, les milieux sociaux plus élevés que sur le peuple. Mais évidemment que dans les milieux paysans, qui sont quand même plus de 90% de la population, les enfants, les garçons comme les filles, travaillaient très tôt à aider déjà leurs parents, les mises en apprentissage relativement tôt, etc. Donc ça y est, nous avons l'enfant, il est là, l'enfant. Pareil, nous sommes au Moyen-Âge et il faut le placer dans un environnement. Cet environnement est la cellule familiale. Nous allons écouter Régine Pernoud, historienne, archiviste, qui en 1980, dans les lundis de l'histoire, expliquait ce qu'était cette cellule familiale. Dans la coutume médiévale, on connaît la famille agrandie, élargie. On ne réduit pas à la seule cellule père-mère-enfant. Alors, l'enfant est presque toujours élevé au milieu de 4, 5, 6, 10 personnes. On en a compté jusqu'à 47 dans un groupe familial florentin au début du 15e siècle. C'est beaucoup. Mais il vit dans un espèce de tissu vital, tissu vivant lui-même. Et il est curieux de voir que les problèmes d'éducation proprement dite n'ont pas l'air de s'être posés à l'époque. C'est assez étonnant et c'est en complet contraste, évidemment, avec ce qui s'est passé lorsque, à nouveau, le droit romain, à partir du 14e mais surtout du 16e siècle, a recommencé à imprégner les mœurs et où le pater familias s'est retrouvé tout puissant comme il l'était sous l'Antiquité romaine. En décembre 1980, Régine Pernoud s'exprimait à propos de la cellule familiale au Moyen-Âge. Et dans son explication, Régine Pernoud disait « Les travaux sont très rares. » Aujourd'hui, Didier Lett, vous êtes avec nous. Alors là encore, nous pouvons avancer des éléments parce que la recherche a fait des progrès, bien sûr. Quelle est cette cellule familiale? Est-ce que c'est cette famille immense que nous imaginons, qui est souvent dans les esprits où il y a, Régine Pernoud disait, jusqu'à 14 personnes à la maison? Oui, on est en 1980, donc effectivement, heureusement que nos travaux ont suivi et ont montré. En particulier, on est revenu effectivement aujourd'hui sur l'idée d'une famille large. C'est-à-dire que je pense qu'il faut imaginer des familles médiévales comme on va dire très très plastiques. C'est-à-dire que on peut très bien se retrouver à 14 ou 15 parce qu'il y a un décès du grand-père, de la grand-mère, etc., ou du frère et de la sœur, et on récupère les enfants, les neveux, les nièces, et donc il y a une structure familiale qui de résidence où on est effectivement 10-15 ensemble. Mais finalement, le noyau principal, c'est quand même le couple et les enfants. Et les travaux sur les recensements qui ont été faits à la fin du Moyen-Âge montrent que, et même au début du Moyen-Âge, montrent que la cellule familiale, c'est surtout quand même une structure relativement étroite, hein, c'est-à-dire 4-5 personnes. Mais ça n'empêche qu'elle peut s'agrandir effectivement au gré des catastrophes démographiques aussi. Hein, et sans doute au 14-15e siècle, dans une période de crise, hein, guerre de 100 ans, peste noire, etc., sans doute une famille qui s'élargit, hein, ça c'est vrai, par rapport à ce qu'elle était au 12e-13e. Donc faut pas imaginer non plus quelque chose de très linéaire, allant d'une famille large des époques anciennes jusqu'à une famille très étroite et conjugale, nucléaire, de nos jours. Les choses ont été beaucoup plus complexes que ça. C'est un élément à souligner, Didier Lett, quand on étudie, ainsi que vous le faites, famille et parenté dans l'Occident médiéval, 5e, 15e siècle, chez Hachette, il y a cette idée de voir selon la position dans la société et puis l'évolution sur ce temps-là, du 5e au 15e siècle. C'est énorme. Il y a une évolution aussi de la structure de la famille. Bien sûr, oui. Donc c'est bien de rappeler que le Moyen-Âge fait 10 siècles parce qu'on a toujours tendance effectivement à penser que pendant ces 10 siècles, il ne s'est pas passé grand-chose, etc. Et 10 siècles, c'est énorme, évidemment. Et donc les choses sont très très différentes. C'est vrai qu'à partir d'abord, on a, je pense, une documentation beaucoup plus abondante à partir du 12e, 15e siècle. Avant, c'est vrai qu'on fonctionne toujours un peu sur le même type de documentation, des chroniques, des textes hagiographiques. L'archéologie nous a beaucoup aidé aussi, bien sûr, concernant l'histoire de la famille et de l'enfance. Donc ça, c'est les sources un peu traditionnelles. À partir du 12e, 13e siècle, dans ce qu'on appelle une sorte de révolution documentaire, avec une multiplication extrême des documents, On a de plus en plus de documentation, des registres judiciaires. Moi, je travaille beaucoup sur les registres judiciaires de Bologne, en particulier aux démarches en Italie. Et donc, on a là, pour le coup, des sources de la pratique extrêmement, extrêmement riches, hein, qui peuvent nous renseigner sur l'enfance. Voilà. Et puis, bien, toute l'iconographie également qui a été beaucoup travaillée pour l'enfance. L'enfance au Moyen-Âge. Nous voyons cette cellule familiale se construire grâce à vous, Didier Lett. Donc, c'est vrai qu'il y a papa, maman et quelques enfants. Vous portez une attention sur le cadre de vie. Vous avez évoqué l'archéologie. C'est vrai que nous avons des éléments qui montrent comment vivaient ces enfants. C'est quoi une maison? Évidemment, là encore, il y a plein de possibles. J'ai envie de dire l'archétype de la maison traditionnelle au Moyen-Âge. La maison paysanne, on va dire qu'elle est d'abord, elle est toute petite. Elle nous paraîtrait à nous toute petite. Hein. Il y a une pièce centrale, souvent une pièce centrale dans laquelle vivent toutes la famille, parce que c'est là où il y a le feu, hein, où il y a le foyer, le seul feu de la maison, donc tout le monde se regroupe, et surtout en hiver, effectivement, hein, où tout le monde se regroupe dans la même salle, pas dans le même lit sans doute, évidemment, hein, les parents ont un lit, les enfants ont un lit aussi, hein, c'est quand même, mais c'est vrai que le berceau est très souvent près du feu, d'où les récits de miracles abondent, évidemment, dans les accidents d'enfants, hein, qui sont effectivement souvent dus au feu, parce que, voilà. Et puis, à côté de cette pièce, il y a d'autres pièces, plein d'autres pièces, hein, ça peut être très grand, mais souvent des pièces qui sont pas forcément occupées tout le temps parce que voilà, ce sont des pièces, pas forcément des pièces de vie, hein. Mais voilà, et puis ensuite beaucoup d'espaces extérieurs, hein, que sont les, on va dire, des espaces péridomestiques, des espaces où il y a le jardin, etc. Avant de quitter la maison, où là pour le coup on rentre dans les champs et dans l'espace de travail. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au rapport que les adultes ont avec les enfants. Nous voyons bien maintenant dans quelle cellule familiale se trouve l'enfant. Il y a papa, maman et parfois un grand-parent ou une tante ou un oncle. Il y a une maison, pas très grande. Maintenant, reste à savoir quelle est la relation entre ces adultes et les enfants. Since Robin Hood made Mary and then little John are gone, the hobby horse was quite forgot when Ken did dance alone. Since Robin Hood made Mary and then little John are gone, the hobby horse was quite forgot when Ken did dance alone. He did labor after the table for to dance then into France, for to dance then into France. He took pains to feed, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip it in hope of gains, in hope of gains. He did trip it, trip it, trip it on the toe, diddle, diddle, diddle, do, diddle, diddle, diddle, do. He did labor after the table for to dance them into France, for to dance them into France. He took pains to feed, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip it in hope of gains, in hope of gains. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Didou didou didouda, since Robin Hood, une comptine qui vient tout droit du Moyen-Âge, dans le cours de l'histoire, Didier Lett. Nous avons cet enfant qui est au sein de sa famille. Maintenant, pour essayer de percevoir la relation qu'il peut y avoir à l'enfant, c'est beaucoup plus difficile pour l'historien, le sentiment, mais malgré tout, par les textes que vous avez étudiés, on peut l'approcher, ou même par l'iconographie. Nous avons tous en tête une image majeure, celle de la Vierge et de l'enfant. Est-ce que le câlin existe dans une famille du Moyen-Âge ? Oui, bien sûr, il existe dans une famille du Moyen-Âge. Les gestes ne devaient pas être exactement les mêmes que les nôtres, mais les câlins existent et les émotions et les sentiments existent, hein, bien entendu. On a beaucoup travaillé, dans un premier temps, sans doute sur les sentiments maternels plus que paternels. Hein. Donc, peut-être justement pour répondre à la thèse, pour contrer la thèse de Philippe Ariès dont on a parlé tout à l'heure, qui effectivement, on avait beaucoup plus d'éléments sur la petite enfance, sur la puériculture, sur les premiers soins au nouveau-né, à travers l'iconographie, parce qu'on a quand même pas mal de scènes, de la nativité, évidemment, le Christ, la scène de la naissance de Saint-Jean-Baptiste, la scène de la naissance de la Vierge, toutes les représentations, comme vous l'avez rappelé, de la Vierge à l'enfant. Donc on avait effectivement un certain nombre d'iconographies ou de statuaires qui permettaient d'étudier ces gestes-là. Voilà. Et on l'a fait dans un premier temps. Puis dans un second temps, on a commencé à élargir un peu voilà, le travail en étudiant la paternité. Enfin, j'ai évidemment fait quelques travaux sur la paternité, sur ce que j'avais appelé à l'époque les nouveaux pères, évidemment, parce que on se rendait compte que le père n'était pas si lointain que ça, c'était pas le père souverain qu'on avait tendance à imaginer, mais les récits de miracles en particulier montraient, hein, que le papa était souvent là, présent, pour ses petites filles comme pour le garçon aussi, hein, à un âge très très précoce, et que les enfants ne passaient pas subitement, comme on l'a longtemps pensé, disons d'un génissé féminin à un monde masculin à partir de l'âge de 7 ans, comme on avait cette tendance un peu à se le représenter. Et donc les papas du Moyen-Âge étaient bien présents, et surtout peut-être dans les milieux, encore plus dans les milieux populaires sans doute, que dans les milieux aristocratiques, où là pour le coup, le papa était sans doute beaucoup plus absent, croisade, guerre, etc., qu'il n'était dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires, le rapport de la mère à l'enfant, alors fille ou garçon, du père à ses enfants, fille ou garçon aussi, varie. Mais il y a toujours sans doute l'idée de transmission. Comment ça se passe en fait? Le papa a son fils avec lui qui regarde en vérité le métier qu'il fera plus tard. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'on peut dire que globalement, on apprend ce métier par imitation, c'est-à-dire qu'on imite le père. Dans l'iconographie, par exemple, il y a beaucoup de représentations de Jésus ramassant les copeaux, etc., aidant son papa Joseph, évidemment, enfin son père putatif, l'aidant à faire son métier. Et donc, on pense effectivement que la majorité des enfants apprenaient leur métier par imitation, les filles comme les garçons d'ailleurs. Mais on a aussi pas mal de contrats d'apprentissage. On mettait les enfants en apprentissage. Alors c'est plus des contrats masculins que féminins. Les filles sont peut-être sans doute aussi mises en apprentissage, mais elles passent pas forcément par un contrat d'apprentissage. On les met en apprentissage peut-être parfois très tôt, mais globalement c'est plutôt 12, 13, 14, 15 ans. C'est des contrats d'apprentissage qui sont étudiés en général aujourd'hui, qui sont bien connus. Et puis évidemment l'éducation parentale est fondamentale aussi en amont, parce que la mère apprend en particulier, fait un enseignement religieux. Tout ce qui est du domaine de la foi, ça passe souvent par la mère. Le père étant sans doute celui qui apprend sans doute plus le métier que ne le fait la mère. Justement, en écho à ce rapport genré dans la cellule familiale entre les enfants et les parents, nous allons faire un écho, un film. Ce film, c'est « Les filles au Moyen-Âge », un film de 2015, un film d'Hubert Viel. La voix masculine est celle de Michael Lonsdale. Vous savez que les femmes au Moyen-Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir, presque autant que les hommes, voire plus même à certaines époques. Qu'est-ce que tu racontes, papa? C'est nouveau, ça? Mais non, quoi, c'est la vérité. Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, être médecin, savant, professeur, écrivain, seigneur. J'ai jamais appris ça. Bon, alors, calmons-nous, hein. Voyons voir. Où l'ai-je mis, ce livre mystérieux? Ah oui, le voilà. Bon, occupe-toi de l'éducation de ma fille. Chaque fois que je la tiens dans mes mains, j'ai 10 ans, comme vous, mes filles. C'est quoi, ce livre? Une sorte de rêve éveillé. Où l'on rencontre des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. C'est un extrait du film Les filles au Moyen-Âge, un film d'Hubert Viel. Didier Lette, dans le rapport genré qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, il y a beaucoup de fantasmes. C'est un peu ce rêve qui était évoqué dans le film. Quel est ce rapport? Comment vous pouvez-vous approcher la différence qu'il peut y avoir entre les garçons et les filles dans la relation avec les parents? C'est-à-dire que j'imagine que des espoirs sont portés sur les enfants. Ce sont vraiment les mêmes pour les filles et les garçons? Non, ce ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les garçons. Je dirais même aussi, ce qui fait la différence, c'est aussi le rang dans la fratrie. On n'élève pas un aîné, en particulier dans les milieux aristocratiques, on n'élève pas un aîné comme on élève un cadet. Il y a des stratégies différentes. L'aîné est celui qui est porteur de beaucoup de choses, qui doit prendre la succession. L'aîné est garçon la plupart du temps. Et évidemment, les cadets peuvent, dans des familles très larges où il y a beaucoup d'enfants, sont parfois, dans les familles aristocratiques, mis dans les monastères, etc., pour éviter de trop émietter le patrimoine. Alors pour ce qui concerne les garçons et les filles, moi je dis toujours, en gros, on peut résumer ça à garder les filles et éduquer les garçons. D'accord. C'est à peu près ça, on va dire le maître mot. C'est-à-dire qu'effectivement, ex ducere en latin, ça veut dire conduire en dehors d'eux. Ça veut dire vraiment, et celui qu'on conduit en dehors d'eux, c'est-à-dire qu'on fait passer d'une situation à une autre situation, meilleure en général, éduquée, c'est le garçon. On lui donne une éducation, on lui apprend à lire, à écrire, etc. Les filles, elles peuvent savoir lire et écrire, bien sûr, mais l'important, c'est de les garder leur virginité, évidemment, jusqu'au mariage, ça c'est fondamental. Et puis les garder, voilà, jusqu'à ce qu'elles changent d'autorité, qu'elles passent de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Il n'empêche que, et là où la voix de Lonsdale résonne encore, là, c'est effectivement le fait que certaines femmes, surtout dans les milieux milieux royaux, princiers, ont pu détenir un véritable pouvoir, ça c'est sûr. Hein. Les régents sont connus, hein, donc il y a des femmes, mais elles sont quand même très minoritaires, évidemment, par rapport au poids de la société patriarcale qui impose une domination masculine très forte. Didier Lette, vous évoquez dans les milieux aristocratiques la place dans la fratrie, une importance majeure entre l'aîné et le cadet. Dans les milieux populaires, il y a aussi des jeux du même type, c'est-à-dire pour celui qui a un lopin de terre, ce n'est pas facile quand il y a plusieurs enfants, parce qu'il faut bien le transmettre à un et pas à deux, sinon on n'a plus rien pour cultiver. Oui, tout à fait. Et là pour le coup, hein, puisque tout à l'heure on pointait l'évolution entre le 5e et le 15e siècle, là il y a quand même une évolution relativement importante, c'est-à-dire que on peut dire que jusqu'au 8e, 9e, 10e siècle, on a tendance à partager en autant de parts son héritage, hein, son territoire. Bon, l'exemple de Clovis, fils de Clovis, est assez révélateur à ce niveau-là. On a tendance à partager, alors évidemment c'est un partage à l'intérieur du groupe des garçons, pas tellement, les filles sont toujours des héritières de seconde zone, hein, dans cette société, mais on a tendance à partager. Et puis progressivement, à partir du 10e, 11e, et puis ça se répand surtout à la fin du Moyen-Âge, on se dessine ce qu'on appelle la primogéniture, c'est-à-dire qu'on va donner, pour le coup, beaucoup plus, hein, aux garçons. Et on l'observe évidemment aussi parmi les princes et les rois. Hein. Les Capétiens, par exemple, à partir donc de la fin du Xe siècle, ils ont eu de la chance. Finalement, ils sont toujours morts, les rois, avec un seul fils. Bon, ils ont peut-être eu sans doute beaucoup de chance. Mais globalement, on donne tout à l'aîné et on donne des apanages, hein, au cadet. Et donc, il y a vraiment une évolution à ce niveau-là. Et dès lors, l'historien qui est toujours à la recherche de quelque chose qui est difficile à percevoir, par exemple le sentiment, la relation à l'enfant, est obligé d'imaginer et de se dire quand l'aîné est destiné à reprendre les terres ou l'héritage, il faut se préoccuper du plus petit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et dès lors, ça peut transformer la relation, mais là, que fait l'historien dans ces moments-là ? Oui, il fait travailler son imagination, vous avez raison, mais c'est aussi le propre d'historien, et tant mieux, hein, on fait aussi ce métier-là pour pouvoir imaginer, hein, même si on imagine à partir évidemment de sources qu'on a décryptées, qu'on a décodées, qu'on essaye évidemment de faire notre métier d'historien. Et après, il nous reste effectivement l'imagination. Mais ce que je crois, pour le revenir à l'aîné cadet, c'est moi je dis toujours qu'il y a une sorte de loi de déprogrammation, c'est-à-dire que comme on a une mortalité qui est tellement forte que beaucoup de cadets qui n'étaient pas faits en fait pour être des cadets au départ, beaucoup d'aînés qui sont décédés, et donc c'est le cadet qui va devenir aîné. Et on a vu des cas où on allait chercher carrément le cadet dans le monastère, on lui disait maintenant t'es plus moine, hein, tu vas avoir une carrière de chevalier. Bon, parfois ça s'est mal passé parce qu'il avait décidé de rester dans le monastère. Donc je pense qu'il faut imaginer, hein, dans un contexte de très forte mortalité, ce que j'appelle moi une loi de déprogrammation, c'est-à-dire que les parents doivent penser ça, hein, ils doivent faire un aîné mais en pensant que ça peut être le cadet qui va devenir aîné. Tout est possible dans ce monde-là qui ressemble, en fait, quand nous parlons avec vous, Didier Lette, beaucoup aux nôtres dans des préoccupations. Mais le Moyen-Âge, en vérité, ce n'est pas si loin. Nous allons faire un détour aussi par l'imagination, dont on parlait il y a quelques instants. Mais celle-là, c'est celle de Jacques Higelin avec La croisade des enfants. Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Pour être malheureux. Jacques Higelin et la croisade des enfants dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Adèle Caglar. Et dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux marmots médiévaux. Avec vous Didier Lette, et ça y est, nous avons les enfants, nous avons les parents, nous avons évoqué cette cellule familiale, même le cadre de vie. Maintenant, il va être question de parler d'éducation. Donc on est bien d'accord, l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui a disparu au Moyen-Âge. Non. Charlemagne a inventé l'école, chantait France Gall. Non, il y a quand même une volonté de transmission sans cesse des savoirs au Moyen-Âge. Oui, bien sûr, on n'a pas du tout perdu cette idée-là. Hein. Je pense que je vois mal comment des sociétés peuvent perdre cette l'importance de l'amour et de l'éducation pour les enfants, parce que ni vous ni moi serions là, peut-être, si nos parents ne nous avaient pas aimés il y a plusieurs siècles. Hein. Donc voilà. Non, je pense que c'est... Mais bon, effectivement, il faut penser une éducation différente, hein, qui évolue au cours du Moyen-Âge, hein, c'est sûr. L'éducation du haut Moyen-Âge, elle reste encore très marqué par l'époque romaine, hein, par les écoles romaines. Ensuite, évidemment, se développent des écoles cathédrales, des écoles, surtout évidemment des écoles religieuses. Hein. Mais on commence à sortir du monastère, on va dire des écoles monastiques à partir du XIIe siècle. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a des petites écoles, il y a des écoles privées, hein, il y a des maîtres de grammaire qui montent leur propre école. Et on a pu faire des études en nord de la France, par exemple, ou à Florence, en Italie, à Venise, où on pouvait montrer que 70 à 75% des enfants étaient alphabétisés, hein, donc au XVe siècle. Donc on a quand même un taux d'alphabétisation et une éducation relativement développée. Didier Lette, comment on explique cette volonté d'alphabétisation des enfants qui vient, non pas de l'autorité, là en l'occurrence, qui est imposée à certains enfants, mais dans peut-être une volonté d'ascension sociale? Comment cela se construit? Oui, là, une volonté d'ascension sociale, je crois que c'est très très important. Il faut pouvoir se dégager, on va dire, si on arrive à dégager un peu de surplus économique, hein, ce qui est très rare évidemment à l'époque médiévale. Les paysans, on peut dire qu'ils étaient surtout dans une économie ils essayaient de joindre les deux bouts tout le temps, sans arrêt. Mais en revanche, dans les milieux marchands, par exemple les milieux urbains marchands, on se rend compte qu'il y a un véritable projet pour les enfants. Hein, il y a un véritable projet, c'est-à-dire que l'idée au XIIe siècle, c'est de mettre son enfant dans un monastère, hein, même quand on est marchand, parce que c'est le seul lieu où il va avoir une bonne éducation. Hein. Et puis à partir du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on a des écoles, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vont apprendre à l'enfant à lire, écrire, compter. Évidemment, compter, fondamental quand on est fils de marchand et qu'on veut apprendre, qu'on veut que son enfant, son garçon, devienne marchand à son tour. Et donc, on a des écoles où on place son enfant et l'idée, évidemment, c'est voilà, une ascension sociale par la culture et par la richesse. Didier Lette, je vous propose d'aller à l'école à travers une émission Deux écoliers au Moyen-Âge, une émission qui a été diffusée le 16 octobre 1975 et je vous préviens tout de suite, nous allons essayer de ne pas subir la fessée. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de deux écoliers au Moyen-Âge, Grégoire et Olivier. Bien sûr, les études que les enfants suivaient il y a plus de 400 ans ne ressemblaient absolument pas à celles que nous connaissons aujourd'hui. La vie d'un écolier commence alors vers 10 ans, l'âge de Grégoire. Depuis 4 ans déjà, Grégoire travaille pour gagner sa maigre nourriture. Ses parents sont de pauvres paysans qui ne savent ni lire ni écrire. Il n'y a aucune raison pour qu'ils envoient leur fils à l'école, puisqu'elle n'est pas obligatoire et qu'elle coûte cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à Grégoire. C'est après avoir été le héros de cette curieuse cérémonie qu'au Moyen-Âge, un enfant recevait le titre d'écolier. Alors ça y est, il est écolier, mais il a pris la fessée. Didier Lette, les écoles au Moyen-Âge, nous avons envie de les comparer aux écoles d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont des enfants qui sont assis dans une salle et qui écoutent le maître? C'est un peu ça, adapté à la sauce médiévale. Ça se passe comment pour les enfants? Peut-être qu'il y a beaucoup moins, effectivement, cette notion de classe d'âge. Hein. Et là, Philippe Ariès, pour le coup, avait sans doute raison. Hein. C'est-à-dire qu'on mettait, mais comme aujourd'hui, finalement, avec le manque cruel de maîtres et de maîtresses ou la fermeture des écoles dans nos campagnes françaises aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. On est capable de mettre des groupes d'âge, avec 2-3 ans d'intervalle dans la même classe. Au Moyen-Âge, on peut effectivement penser légitimement que sur un groupe de 10, 15, 20, 30 élèves dans une école, on n'avait pas cette idée de mettre forcément chaque groupe d'âge d'année par année dans une même salle. Après, concernant effectivement les sévices corporels, bon, On peut dire qu'il y en avait, évidemment. Hein. Le 21e siècle n'a pas le monopole de la violence à l'égard des enfants. Hein. Au Moyen-Âge aussi, on aimait ses enfants, mais on pouvait aussi les battre. Et surtout, ces sévices corporels, ils sont légitimés d'une certaine manière par la Bible elle-même. Hein, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve effectivement donne de la verge à ton enfant, il en souffrira pas trop. Donc on a effectivement des coups qui tombent sur la tête des enfants et sur les fesses, sans doute des enfants. Mais toujours avec, et ça, les traités de pédagogie insistent beaucoup là-dessus, toujours si on n'a pas pu le faire, si on n'a pas pu enseigner à l'enfant par l'exemple et par les paroles, hein, c'est en dernière instance, on va dire. Et puis avec modération, toujours. Hein, c'est la fessée, oui, mais avec modération. C'est vraiment le maître mot de l'époque médiévale. Didier Lett, on peut dire un mot de ces traités de pédagogie parce que ils s'adressent alors sans doute à une certaine partie de la population, évidemment, mais ils reflètent un idéal. Quel est cet idéal d'éducation de l'enfant? Oui, donc effectivement, hein, on a des traités de pédagogie, on en a beaucoup conservés surtout pour la fin du Moyen-Âge. Ils s'adressent, vous avez raison, prioritairement pour la haute noblesse, les milieux princiers, même milieux royaux. Hein, l'un des plus connus, c'est celui que Gilles de Rome écrit pour le futur Philippe le Bel. Hein, donc on est à la fin du XIIIe siècle. On voit à travers ces traités, en fait, l'importance qu'on accorde à l'éducation, hein, une éducation qui est d'abord un catéchisme. Hein, on veut dire comment se bien comporter à l'égard de Dieu, parce que c'est quand même ça. On est au Moyen Âge, hein, dans une société chrétienne. Donc comment se comporter à l'égard de Dieu, bien prier, bien aller à la messe, etc. Donc ça peut paraître un peu redondant et un peu classique, mais c'est d'abord un catéchisme. Ensuite, effectivement, dans les milieux princiers, on apprend aussi le pouvoir, on apprend à se bien comporter au niveau politique. Et puis aussi, on apprend, mais ça c'est très aristotélicien, hein, on apprend aussi à se bien comporter en famille, hein, donc gouverner sa femme, hein, ça c'est très important, ses enfants, savoir tenir sa maison en fait, hein, savoir être un bon père, un bon mari, et ça c'est vraiment fondamental pour les garçons. Et le devoir des enfants est de respecter les parents. Dans l'éducation, il y a une différence majeure, j'imagine, nous avons évoqué les écoles entre les garçons et les filles, les petites filles ne vont pas à l'école. Très peu, hein, beaucoup moins. Hein. Il y a quelques écoles de filles, je crois que pour Paris, par exemple, au XIVe siècle, on a une dizaine ou une quinzaine d'écoles de filles, hein, pour une population qui peut-être fait 200 000 habitants, on va dire, ou 150 000 habitants. Avant la peste noire, avant 1348. Donc on a quand même des écoles de filles, mais évidemment très très peu, hein, on va dire 7, 8, 10%, hein, par rapport effectivement à une majorité d'écoles pour garçons. Et quand nous parlons d'éducation des enfants, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose dès qu'il s'agit des enfants des seigneurs, des enfants nobles. Nous allons faire un petit tour dans l'émission Histoire des enfants, c'était sur la 3e chaîne de la télévision française en novembre 1976. Si vous avez vécu dans les châteaux forts au Moyen-Âge, ce type d'exercice, qu'il faut reconnaître assez brutal, aurait fait partie de votre vie quotidienne. Il faut dire qu'en cette époque, on s'attachait plus à développer les corps que les esprits. Cependant, l'éducation des enfants ne consistait pas seulement à l'apprentissage des armes. C'est leur vie dans les châteaux forts que nous allons vous raconter. Comme je serai chevalier, j'aurai un faucon. Il te faut être d'abord écuyer. Mais il est vrai que c'est un bel oiseau et que la fauconnerie est un art qui s'apprend. Tu dois d'abord étudier le latin. Tu n'es encore qu'un damoiseau. Damoiseau. C'est ainsi que sont appelés les enfants au Moyen-Âge avant d'être faits chevaliers. Devenir chevalier. Tel est le rêve de tous les jeunes nobles du Moyen-Âge, habités de gloire et de prouesses chevaleresques. Mais il faut pour cela beaucoup de vertu. En 1976, sur France 3, Histoire des enfants, l'éducation des enfants nobles. Ah, il y a un petit peu, et on l'entend à cet univers musical, un peu de rêve autour de tout ça. C'est vrai que ce fantasme d'être chevalier, ces damoiseaux, tout ça est un univers qui fait rêver. Comment appelait-on les enfants? Damoiseaux, on disait, cela? On devait le dire bachelor aussi, demoiseaux, valet, en fesse, hein, en ancien français, puer, donc, puisque ça a donné puericia, en latin. Enfin, il y a juvenis aussi, un jeune. Donc il y a plein de termes, il y a une multitude de termes qui révèlent justement l'importance qu'on accorde à l'enfance, puisque avoir un vocabulaire, un lexique à sa disposition est très différent en fonction des âges, révèle finalement une sorte de, évidemment, un intérêt pour l'enfant. Alors ce qu'on a entendu là comme extrait est intéressant, parce que finalement là on est évidemment dans le milieu aristocratique, et ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement on n'est pas un âne couronné, hein, comme disait Guillaume de Malesbury, hein, je crois, qui disait qu'effectivement un seigneur, un bon seigneur et pas un âne couronné. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut non seulement être courageux, avoir une force physique, etc., pour tenir les armes, parce que c'est très lourd, hein, se battre, mais il faut aussi connaître le latin, comme il le dit, hein, dans cet extrait. Et donc, il y a une éducation religieuse. L'idée d'un corps bien fait dans une tête bien pleine, etc., hein, c'est vraiment quelque chose de médiéval avant d'être humaniste. Didier Lett, c'est cela qui est intéressant dans cette continuité, c'est que l'enseignement issu de l'Antiquité ne disparaît pas en 476, quand s'effondre l'Empire romain, il y a une continuité. Et de la même manière, tout ce qui est en place à la Renaissance, au moment de l'humanisme, n'apparaît pas soudainement. C'est issu du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge apporte beaucoup à la Renaissance, au temps moderne et encore ensuite. Tout à fait, oui, bien sûr. Je pense que nos bases éducatives restent encore jusqu'au moins le 19e siècle. Ça a peut-être beaucoup changé, évidemment, au 20e siècle, hein. Notamment en ce qui concerne l'évolution d'une égalité, par exemple, entre les garçons et les filles. C'est quand même quelque chose là qui quand même s'est développé de manière récente. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que on est sur la bonne voie, j'espère. Et en revanche, oui, les méthodes sont différentes, mais je pense qu'il y a une continuité, hein, dans ces principes éducatifs qui viennent de très loin, qui viennent de l'époque romaine, grecque romaine, et qui sont évidemment réappropriés par le christianisme, bien entendu, hein, avec justement tout un enseignement religieux chrétien qu'on ne trouvait pas avant. Et dans la réalité de la plupart des enfants, c'est-à-dire de tous ces milieux populaires, il y a le travail. Les enfants travaillent, ils travaillent très jeunes, mais encore au XXe siècle, comme les enfants travaillaient facilement à la ferme. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à travailler, le travail est difficile à définir d'ailleurs dans une ferme, à quel moment on travaille, à quel moment on ne travaille pas. Les enfants travaillent même dans ce qu'on pourrait appeler des proto-entreprises dans l'artisanat. Oui, l'enfant est intégré très tôt avec ses parents, dans les milieux paysans en particulier, hein, il est intégré très tôt, dans les milieux artisanaux aussi, hein, on pense effectivement que l'enfant travaille très tôt, et puis il y a effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage qui permettent à des parents d'envoyer finalement leur enfant en dehors du cercle familial, souvent pour avoir une meilleure éducation. Alors on a les contrats d'apprentissage, on voit bien que par exemple le cordonnier ou le vigneron va essayer de placer son enfant en apprentissage dans un milieu artisanal un peu plus élevé que le sien. Là encore, on retrouve cette idée de progression sociale. Pour ce qui concerne le milieu aristocratique, on a la pratique qu'on appelle du fosterage. Hein, to foster en anglais, ça veut dire nourrir. La pratique du fosterage, c'est un terme utilisé par les anthropologues. C'est-à-dire, ça permet de placer un enfant dans un milieu aristocratique un peu plus élevé que le sien, de manière à ce que seigneur. Voilà, hein, ce qui est souvent d'ailleurs et Georges Duby l'avait déjà montré à l'époque, qui était souvent l'oncle maternel, parce que on se mariait en situation d'hypergamie, c'est-à-dire que la famille de la mère était d'un rang un peu supérieur, on va dire, dans la noblesse au père. Et donc, on mettait souvent l'enfant, l'aîné, très, très souvent, à partir de 12 ans, etc., chez l'oncle maternel, et il avait une meilleure éducation qu'il n'aurait eu s'il était resté dans son milieu d'origine. Donc là encore, on voit bien que cette pratique du fosterage montre qu'on a un souci, hein, d'éducation, et de donner le meilleur pour son enfant. Donner le meilleur pour son enfant, tout simplement, parce que il y a, est-ce que vous avez évoqué, hein, Didier Lett, un amour de l'enfant, l'amour de l'enfant est là, il doit être d'autant plus grand, vu la forte mortalité, que c'est vrai qu'une femme peut avoir plein d'enfants, mais beaucoup meurent en bas âge, où il y a les morts en couche. Ces enfants qui survivent, ces survivants, représentent aussi l'espoir, parce que la mortalité est un phénomène majeur pour comprendre la relation des parents aux enfants. Oui, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, quand on perd un enfant à la naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire, et donc la douleur est à la hauteur de cet événement extraordinaire. Au Moyen-Âge, ce n'est pas extraordinaire. C'est je dirais, normal et quotidien. Quand une femme accouche, elle sait qu'elle a des risques, et beaucoup de risques, de perdre son enfant, sans parler évidemment de sa propre vie à elle. Ça n'enlève pas la douleur, hein. Et je pense que la douleur, elle est aussi accentuée par la non-possibilité de donner le baptême, par exemple. Parce que au Moyen-Âge, là encore, il faut penser une double mort, d'une certaine manière, hein. Les enfants morts sans baptême, en particulier. Alors, j'avais montré dans des travaux il y a quelque temps qu'on avait créé un nouveau lieu à la fin du XIIe siècle, au moment où naît le purgatoire, on crée le limbe pour enfants, qui est un lieu en fait où on met les enfants morts sans baptême, qui avant, depuis saint Augustin, allaient directement en enfer, même s'ils n'avaient commis aucun péché personnel. Ils étaient porteurs du péché originel, et si ça n'avait pas été lavé à la naissance, ils allaient en enfer directement. Et à partir de la fin du XIIe siècle, on crée un nouveau lieu, qui est un lieu de destination. C'est pas un lieu d'attente comme le purgatoire, hein, où après le jugement dernier, les âmes du purgatoire pourraient aller au paradis. Là, c'est un lieu définitif, un lieu de destination. Mais c'est mieux pour le repos, on va dire, de l'âme des parents, d'une certaine manière, puisque ils pensent leur enfant mort sans baptême, non pas brûlé par les flammes de l'enfer, mais dans une sorte de caverne, dans une sorte de tout près de l'enfer, un limbus, hein, ça veut dire limbe, ça veut dire le bord de. Les enfants sont au bord de l'enfer, mais ils brûlent pas. Hein, ils échappent aux flammes de l'enfer, mais comme c'est définitif, ils ne verront jamais Dieu. Ils ne bénéficieront jamais de la vision béatifique. Et voilà, c'est triste. Oui, c'est triste, mais bon, ça rassure les parents. Voilà, tout à fait. Nous parlons, Didier Lette, d'une forte mortalité. C'est vrai que la démographie a apporté beaucoup de connaissances sur ces familles-là. Une famille, donc cette famille du Moyen-Âge, qui est souvent une petite famille, une cellule familiale assez réduite. Combien d'enfants? Alors, combien d'enfants? Il faut faire la différence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre le nombre de naissances et les enfants restants. C'est-à-dire qu'on peut, penser légitimement que une femme, entre 16, 17, 18, se marier parfois plus tard, hein, 20 ans et 45 ans à peu près, pouvait avoir 12, 15 enfants. Et sur ces 12, 15 enfants, bah, il pouvait effectivement en avoir 4, 5, 6, parfois plus de la moitié qui mouraient. Hein, donc il en restait au total, il est toujours difficile, au moins jusqu'au 12e, 13e siècle, d'assurer le renouvellement des générations. On est parfois à la limite. Hein, donc on peut très bien avoir des fratries très larges. Hein, on a des fratries 10-15 enfants qui restent parce que la mortalité n'a pas sévi. En revanche, il faut imaginer aussi des écartages, hein, des écartages très importants, beaucoup plus importants que nous par exemple. Et puis, autre chose de très important, c'est l'importance des familles recomposées. Hein, je pense qu'on pense toujours famille recomposée, c'est très moderne, etc. Pas du tout. Au Moyen-Âge, il n'y a que des familles recomposées. Évidemment, la cause de la recomposition, c'est pas le divorce, comme aujourd'hui, hein, ou la séparation des parents, c'est la mort. Mais la grande majorité des enfants vivaient avec au moins un parent qui n'était pas son géniteur. Voilà, la marâtre. Voilà, tout à fait. Elle est là. Et puis, dans les choses étonnantes, nous allons écouter une lecture de sermon. Sermon écrit par Julien de Vézelay, donc nous sommes au XIIe siècle. Et là aussi, chose étonnante, apparaît l'adolescence. À l'enfance succède l'adolescence, âge sensuel et indiscipliné, qui croit que la vertu est pénible et difficile, et qui est féru de plaisir. La volupté, aux attraits pervers, chatouille l'âme encore naïve, et si elle réussit à l'investir, elle la souille par des vices honteux. L'adolescence est instable. Elle ne se laisse guider ni par sa raison, ni par les conseils d'autrui, mais, soumise au souffle de tentations variées, elle se laisse entraîner de ci, de là, mobile et vagabonde. Un jour elle veut, le lendemain elle ne veut plus. Aujourd'hui elle aime, demain elle déteste. Étonnant sermon de Julien de Vézelay, donc au XIIe siècle, avec cette évocation de l'adolescence. Didier Lette, l'adolescence, effectivement, dans nos représentations, nous la voyons souvent apparaître comme une classe d'âge dans les années 1960, mais la puberté étant là, l'adolescence est un moment de sortie biologique de l'enfance. C'est vrai que c'est un concept, évidemment. Est-ce qu'on peut utiliser en tant que médiéviste le concept d'adolescence? C'est difficile, mais ce qu'on peut observer, hein, c'est qu'effectivement, il y a quand même un âge de transition qui peut paraître peut-être un peu moins long que le nôtre, mais il y a quand même un âge de transition entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, hein, et qui se marque par effectivement une sorte d'humeur, on va dire, un peu un jour il veut, un jour il veut pas, hein, dit l'extrait du texte qu'on a entendu, le sermon. Effectivement, c'est peut-être ce qui marque la perception de l'adolescence. Hein, c'est un âge très changeant, voilà, très changeant, très violent parfois. C'est l'âge de l'opposition au père, évidemment, et on a des très beaux exemples d'opposition entre le père et le fils, en particulier à l'âge de l'adolescence. C'est l'âge de l'éveil à la sexualité aussi, et évidemment dans un monde où on a des écrits laissés par les clercs, il est évident que c'est pas très bien vu, hein, le moment où effectivement on s'éveille à la sexualité. Et donc c'est vrai que c'est un âge qui est un peu déconsidéré, hein, par rapport à la puéricia, par rapport, disons, à l'âge 7 ans, 14 ans, l'adolescence est plutôt un âge mal perçu, on va dire. Voilà, l'adolescence, donc des adolescents déjà intrigués par la sexualité et un tantinet têtu et dans l'opposition à leurs parents. Didier Lette, vous nous avez présenté ces enfants, ces marmots médiévaux. Merci beaucoup à vous. Nous voyons ces continuités qui sont charmante. Et ces ruptures qui nous intéressent autant parce qu'elles nous parlent beaucoup, surtout de nos clichés que nous avons sur le Moyen-Âge. Merci beaucoup Didier Lett. Donc on retrouve tous vos ouvrages, L'enfant au Moyen-Âge, famille et parenté dans l'Occident médiéval. Non, ça c'est pas à dire, c'est vraiment votre spécialité. Merci beaucoup. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, quand la politique tente de défier les saisons. Un des grands défis pour la Russie communiste après la révolution de 1917, c'est d'abolir la faim. Nourrir le peuple devient un enjeu majeur, une promesse d'égalité calorique, le plus bel exemple de réussite à atteindre contre l'ordre tsariste. C'est le sujet du documentaire de Gulia Mirzoeva, Le savant, l'imposteur et Staline, comment nourrir le peuple, disponible dès aujourd'hui sur la plateforme d'Arte. Cette quête pour l'abolition de la faim est dominée par deux figures marquantes. Trofim Lysenko, le Raspoutine agricole, et Nikolai Vavilov, célèbre botaniste, qui s'apprêtent tous deux à se mener une bataille feutrée, suivie d'une guerre à mort entre science et idéologie. Je pense que l'édifice de la génétique demeure inébranlable, parce qu'il est étayé par une grande quantité d'expérimentations précises. Réfuter l'édifice de la génétique ne serait possible qu'en lui opposant une même quantité d'expérimentations tout aussi précises. En leur absence, la génétique demeure. Nous irons au bûcher. Nous serons brûlés vifs, mais nous ne renierons pas nos convictions. Nikolai Vavilov est botaniste, polyglotte de renommée mondiale. Il fait disparaître temporairement les soupçons qui pèsent sur ses origines bourgeoises en mettant sa science au service du nouveau régime avec une ferveur sincère. Il met au point un ambitieux programme digne du prestige socialiste de Banque mondiale des semences pour en comprendre la génétique et trouver la solution aux pénuries alimentaires de l'immense territoire russe. Vavilov est un chercheur, mais la recherche prend du temps, un temps long dont le pouvoir ne dispose pas vraiment. Lénine l'envoie aux États-Unis pour acheter du blé et visiter quelques laboratoires pour profiter des avancées de la génétique des plantes, une révolution émergente très prometteuse. En 1932, une nouvelle famine fait 6 à 8 millions de morts, une famine largement redevable de l'échec de la collectivisation forcée, imposée par Staline désormais au pouvoir. Les scientifiques sont incriminés et jugés en tant qu'ennemis du peuple. Vavilov est épargné, protégé par sa renommée mondiale, qui agace pourtant prodigieusement Staline. Car Staline a trouvé une nouvelle figure de proue prometteuse pour son combat contre la faim, Trofim Lysenko, un authentique paysan formé à l'agronomie dans les écoles du régime, décrit par la Pravda en 1927. Le journaliste décrit un personnage original qui fait visiter ses plantations les pieds nus. En regardant Lysenko, on ressent quelque chose comme une rage de dents. C'est un homme maussade, il a le verbe rare et le visage ingrat. Il regarde par terre avec un air sombre, comme s'il cherchait à achever quelqu'un. Lysenko se fait le champion du boniment agricole. Il promet de transformer immédiatement la Sibérie en beauce, de faire pousser du blé en toute saison. Il ne parvient jamais à démontrer ses promesses révolutionnaires, mais adopte un discours conforme à l'idéologie du régime en accusant tous les ennemis de classe de provoquer ces famines trop régulières. Le débat scientifique épouse le discours politique et pendant que Vavilov meurt de faim et d'épuisement dans une prison des confins, Lysenko atteint l'apogée de sa théorie agricole socialiste. Tout comme l'homme, les plantes sont influencées par le milieu dans lequel elles poussent et ces discours constituent le meilleur engrais pour des récoltes qu'on ne verra jamais. Toute expérience génétique est condamnée en tant que science bourgeoise, quel est d'ailleurs ce gène que l'on n'a jamais vu. Et sur sa lancée, Staline élabore un grand plan de modification de la nature, aux résultats catastrophiques. Les millions d'arbres plantés pour combattre la sécheresse des steppes meurent systématiquement, un échec arboricole cuisant. Après la mort de Staline, Lysenko tombe lentement mais sûrement en disgrâce, mais trop tard pour sauver l'agriculture soviétique. C'est bêta. Merci beaucoup Anaïs Quien. On retrouve tous les liens à voir et à lire sur la page du journal de l'Histoire et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.